Quelle est votre adresse, monsieur Durand ? J'habite au 38, boulevard Alsace-Lorraine. C'est à Toulouse. Le code postal ? C'est 31 000.